Ceci est une lecture de Léa pour audiocité.net. Bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, 1863. Localisation des fonctions cérébrales, siège du langage articulé. Monsieur Broca. Déjà la Société s'est occupée longuement de la localisation des fonctions cérébrales et les observations de lésions des lobes antérieurs ont surtout été produites dans la discussion. Ces observations étaient souvent contradictoires et prêtaient à des interprétations diverses. Mais il faut penser que les lobes antérieurs représentent à peu près la moitié du cerveau et que, sans doute, les fonctions peuvent avoir un siège infiniment plus restreint. Des observations assez nombreuses me permettent de supposer, avec quelque apparence de certitude, que cela est vrai, au moins pour la fonction du langage articulé. J'ai recueilli et communiqué à la Société anatomique une première observation prise chez un malade atteint de cette privation de la faculté de parler, à laquelle je donnais le nom d'aphémie. Il y avait une lésion de la troisième circonvolution frontale et peut-être aussi de la seconde. À quelque temps de là, je fis l'autopsie d'un malade, âgé de 89 ans, ayant eu 18 mois auparavant une hémorragie cérébrale. Il avait conservé son intelligence, mais avait perdu la faculté de parler. Il n'avait plus que 5 mots à sa disposition. Oui, non, toi, toujours et les loups. Nous trouvâmes un ancien foyer hémorragique à 2 cm de l'extrémité postérieure de la troisième circonvolution frontale qui était coupée en travers. Depuis ce temps, M. Charcot a trouvé 3 malades aphémiques offrant des lésions cérébrales qui avaient exactement le même siège. M. Gubler a présenté un fait semblable à la Société de biologie. Voici 2 autres observations très importantes. M. Charcot présente à la Société de biologie un cerveau d'aphémique où il constate que la lésion siège sur le lobe pariétal. C'était un ramollissement jaune avec atrophie. J'avoue que j'étais un peu décontenancé. Cependant, je dissèque les membranes et je trouve que le ramollissement file le long de la scissure de Sylvius et va jusqu'à la troisième circonvolution frontale qui est détruite dans sa moitié profonde. Un jour, M. Duchesne de Boulogne vient me dire qu'on a observé à l'Hôtel Dieu dans le service de M. Trousseau un fait contraire aux idées que je professe sur le siège du langage articulé. Je me rends à l'hôpital et je constate en effet que le lobe pariétal était malade. Mais m'appuyant sur les faits antérieurs, j'annonce, en enfonçant un scalpel dans l'épaisseur de la troisième circonvolution, que là doit se trouver une lésion. Effectivement, la circonvolution était altérée dans ses 3 cm postérieurs. Ainsi, voilà 8 faits où la lésion a siégé dans le tiers postérieur de la troisième circonvolution frontale. Ce chiffre me paraît suffisant pour donner de fortes présomptions. Et, chose bien remarquable, chez tous ces malades, la lésion existait du côté gauche. Je n'ose tirer de là une conclusion et j'attends de nouveaux faits. Messieurs Marcet et Perrier voient en ce moment des malades à la fois aphémiques et paralytiques. La paralysie est à droite, donc les lésions sont à gauche. Monsieur Charcot vient de recevoir dans son service une malade malheureusement démente, aphémique et paralytique. Peut-être chez elle la lésion sera-t-elle située à droite, la paralysie existante à gauche. Tout ce que je viens de dire ne se rapporte qu'à une seule localisation, celle du langage articulé, chose bien définie. Et c'est déjà beaucoup que d'être à peu près certain qu'une faculté au moins a un siège rigoureusement déterminé. Mais sera-t-il possible de fournir la même démonstration pour d'autres facultés moins circonscrites? Peut-être sera-ce bien difficile. Monsieur Linas, pendant mon internat à Charenton, j'ai eu souvent l'occasion de constater chez les malades atteints de paralysie générale et qui, au début, éprouvent un embarras de la parole, des adhérences de la pimaire à toute la partie du lobe frontal qui borde la scissure de Sylvius, si bien que nous considérions ce point comme le siège d'élection des lésions qui causent la paralysie générale. Monsieur Broca, bien que le fait de M. Lina soit intéressant à connaître, j'hésite à établir un rapprochement avec ceux que j'ai cités, car dans la paralysie générale, ce n'est pas la faculté du langage, mais bien la possibilité d'articuler qui est perdue. Il y a donc une différence majeure. Monsieur Lina, Monsieur Broca distinguerait donc la possibilité d'articuler les mots de la faculté du langage? Cette distinction est évidente. Un des malades dont j'ai parlé avait conservé la possibilité de prononcer 5 mots. La plupart des aphémiques ont un vocabulaire restreint, mais dont ils usent de façon à prouver que l'articulation des mots reste possible, tandis que la faculté du langage est éteinte. Monsieur Gratiolet, ces observations soulèvent une grande difficulté philosophique. Comment comprendre la conservation de l'intelligence coïncidant avec la perte du langage? Ce fait ne pourrait s'expliquer qu'en admettant certaines compensations et certaines substitutions de signes dont il serait curieux d'étudier le mécanisme. Monsieur Martin, il y a eu à Montpellier un exemple célèbre de perte partielle de la faculté du langage. Broussonnet avait perdu la mémoire ou la possibilité de prononcer des substantifs. Il n'en pouvait articuler aucun. Monsieur de Jouvencel, il me semble que la perte de la faculté du langage n'implique nullement la perte de l'intelligence comme tendraient à le faire croire les paroles de Monsieur Gratiolet. La pensée ne s'élabore pas sous forme de mots. Ceux-ci ne sont qu'une formule, une expression qui peut faire défaut pour une raison quelconque, sans que l'intelligence ait perdu son activité. Monsieur Broca, il n'y a pas autant de différence qu'on pourrait le croire entre le cas de Broussonnet et ceux que j'ai cités. Un des malades que j'ai observé pouvait entretenir une sorte de conversation à l'aide d'une collection de petits papiers où étaient inscrites les réponses aux questions les plus usuelles qu'on lui adressait. Nous essayâmes de lui faire répéter quelques mots dont il avait conservé le souvenir. Nous parvînmes même à lui apprendre quelques mots à la lecture. Mais il nous fut impossible d'obtenir jamais un substantif.